Dossier 3. Leçon 2. Confidence. Activité 7. Et il s'appelle comment ? David. Il est grand, mince, beau. Il me dit « je t'aime » toute la journée. Mais il est sérieux ? Il est sincère ? Tu es sûre ? Évidemment. Tu sais bien que j'ai horreur des menteurs. Tu sais, une rencontre dans un speed dating, moi à ta place... Oh, arrête ! Et il est sagittaire comme moi. Il aime voyager, il s'intéresse à l'art comme moi. Et il fait du ski et du tennis, comme moi. On a exactement les mêmes goûts. Bah, c'est formidable! Tu as trouvé l'homme idéal. Il y a un seul point négatif. C'est un gros fumeur. Et moi, je suis allergique à la cigarette.